Avec le loto Mission Patrimoine, vous pouvez gagner 2 millions d'euros minimum et marquer l'histoire. À partager au rang 1, voir règlement. FDJ. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le vendredi, on termine l'émission avec un blockbuster. C'est la spécialité de Frédéric Sigrist. Et ce matin, les studios Marvel qui ont un nouveau super-héros, Shang-Chi, un super-héros asiatique. Et oui Mathilde, et quoi de mieux pour célébrer l'Asie que cette chanson ? Alors ça, Frédéric, c'est pas du tout du mandarin, c'est Hotel California des Eagles. Tout à fait, vous avez tous les talents, vous êtes bilingue. Bah ouais. Mais c'est aussi une chanson que l'on retrouve sur la bande originale de Shang-Chi et qui résume assez bien le melting pot culturel dans lequel le film s'est fait. Si ce film était un vêtement, ça serait une chemise désiguale. Après le succès de Black Panther, beaucoup de cinéphiles avertis, un cinéphile Mathilde, c'est un gars qui a acheté au moins 3 DVD, se sont dit que Disney, après avoir fait plaisir à la communauté noire, allait s'attaquer au marché chinois. Or, vous le savez, le Parti communiste chinois a l'ouverture d'esprit d'un taliban au burn-out et n'a pas attendu Hollywood pour faire des films. À ça vient s'ajouter le fait que les manifestants hongkongais ont fait un montage dernièrement comparant le président chinois à Thanos dans le film Avengers. Autant vous dire que les films de super-héros produits par Disney en Chine, c'est comme un chroniqueur de gauche sur une chaîne d'infos, c'est pas hyper populaire. Et donc Shang-Chi était censé être la lettre d'excuse du studio Disney. Oui, sauf que c'est mal barré. Shang-Chi a été créé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin. Que des Américains blancs pour être la version Marvel de Bruce Lee. Alors faut se remettre dans le contexte à la fin des années 70, David Carradine joue le petit scarabée dans la série Kung Fu, Bruce Lee pousse des petits cris de chat en rut en cassant des bras dans les cinémas de quartier, le kung-fu, ça passionne. Donc Shang-Chi, dans sa version d'origine, est un cliché ambulant. Il fait du kung-fu, son père est un méchant criminel qui cumule tous les clichés racistes de l'époque et qui se nomme Fu Manchu. Un peu comme si un Américain écrivait un personnage de français qui s'appellerait Jean-Pierre Râleur, un prédateur sexuel et syndicaliste qui se lave jamais. D'ailleurs, je me demande s'ils l'ont pas fait. Shang-Chi se bat contre son père et finit par travailler pour le MI6, les services secrets britanniques, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que Bruce Lee dans le monde Marvel ? Bruce Lee et James Bond dans le monde Marvel ! C'est comme ça à l'époque. Et le truc, c'est qu'en 2021, heureusement, on peut plus écrire des personnages ainsi. Et c'est là qu'arrive cette nouvelle version de Shang-Chi. Et vous l'avez vu alors, ce Shang-Chi 2021, c'est bien ? Eh ben oui, Mathilde, j'ai même trouvé ça génial. Si j'avais 12 ans, je serais comme un dingue. Et vu que mentalement, j'ai que 3 ans de plus, j'ai passé un très bon moment. Ce film, en fait, c'est l'hommage des studios Marvel au cinéma asiatique et même de l'animation. Parce qu'en fait, c'est pas le public chinois qui visait, c'est les fans de ce cinéma. Ils savent très bien qu'on a grandi avec lui. L'influence des films de Jackie Chan est évidente dans la chorégraphie des combats. Tigre et Dragon est évidemment convoqué, à la fois dans son esthétique et jusque dans son casting. On retrouve l'incroyable Michelle Yeoh. Oh, je l'aime. Mais aussi le splendide Tony Leung. Oh, je l'aime. Même le Tony Leung de In the Mood for Love. Même le cinéma de Park Chan-wook et Miyazaki est invité à la fête. Dragon Ball et Akira Toriyama aussi, rendez-vous compte. Ce film, finalement, n'est pas différent de ce qu'a fait Tarantino avec Kill Bill, un hommage au cinéma asiatique. Sauf que là, on laisse des Asiatiques avoir le premier rôle. Des jeunes acteurs qui ne sont pas forcément nés en Chine, mais à qui on demande malheureusement toujours « T'es né où, toi ?» À cette génération née de la mondialisation, fils ou petit-fils d'immigrés qui n'ont pas connu le pays de leurs ancêtres, Hollywood propose désormais des nations imaginaires qui s'appellent le Wakanda, Kunlun ou autres. Et moi, ce métissage culturel, je trouve ça génial. Et à ceux qui trouvent cela puéril de s'inventer une histoire sur la base d'une fiction, n'oubliez pas que ça fait des années qu'en France, on pense vivre dans un petit village d'irréductibles gaulois, jamais conquis par les Romains. Frédéric Sigrist, ça vous met dans un état, un Shang-Chi et l'œuf mayonnaise ce matin. Ah mais j'étais tellement content, ça m'a fait du bien. Eh bien tant mieux, je suis ravi. France Inter.